إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله نواصل أيها الإخوة والأخوات في الكلام على عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم On continue, aux chers frères et sœurs, à aborder le sujet des épouses du prophète صلى الله عليه وسلم لنتحدث اليوم عن عائشة هذه المرأة التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك يا رسول الله فقال عائشة فقال السائل ومن الرجال قال أبوها Alors parlons aujourd'hui de Aïcha radiallahu anha cette femme dont le prophète صلى الله عليه وسلم fut interrogé Qui est-ce que tu aimes le plus ô messager d'Allah Il a répondu « Aïcha ». Alors le questionneur a dit « Et parmi les hommes ?» Il a dit « Son père ».« Radiallahu anhuma »« Ayyuhannas »« Famin fada'ili Aïchata radiallahu anha »« Annaha tarabbat fi bayti Abi Bakrin »« As-Siddiq radiallahu anha » Et ô chers frères, parmi les mérites de Aïcha radiallahu anha, le fait qu'elle fut éduquée, dans la maison de Abu Bakr, As-Siddiq radiallahu anha. Et donc Aïcha radiallahu anha, c'est As-Siddiqa, bintu Siddiq. As-Siddiqa, celle qui est sincère, véridique, fille de celui qui est sincère et véridique, Abu Bakr radiallahu anha. Afdalu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha, le meilleur de cette communauté après son prophète, akhraj al-Bukhari fi sahihihi. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يداني الدين البخاري a cité dans son sahih d'après Aïcha رضي الله عنها qui dit je n'ai connu mes parents que dans la pratique de la religion je n'ai pas connu mes parents dans la mécréance mes parents je ne les ai connus que dans l'islam Yalahe min ni'ma, quel bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordé à Aïcha. Elle continue et elle nous dit Wa lam yamur alayna yawmun illa ya'tina fihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas un jour qui passait sans que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam venait nous voir. طرفي النهار بكرة وعشية durant les deux parties de la journée le matin durant les deux extrémités de la journée le matin et le soir il venait صلى الله عليه وسلم ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره Et ensuite, Abu Bakr a donc décidé de construire, de mettre en place un lieu de prière, un lieu pour qu'il puisse prier à l'entrée de sa maison. Et donc Abu Bakr, il priait dans ce lieu et il récitait le Coran. فيقف عليه نساء المشركين وابناؤهم يعجبون منه وينظرون اليه. Et à ce moment-là, les femmes des polythéistes ainsi que les enfants des polythéistes, ils s'arrêtaient pour voir Abu Bakr et étaient étonnés et aimaient ce que faisait Abu Bakr radiyallahu anhu. Wa kana Abu Bakrin rajulan bakkan. Et Abu Bakrin était un homme qui pleurait beaucoup. La yamliku aynayhi idha qara al-Qur'an. Il n'arrivait pas à retenir ses deux yeux. Il n'arrivait pas à retenir ses larmes lorsqu'il lisait le Coran. فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Et donc cela a effrayé les leaders de Quraysh parmi les polythéistes. يَا لَهَا مِنْ نِعْمَةٍ أَيُّهَا النَّاسِ. Et quel grand bienfait Allah tabaraka wa ta'ala a accordé à Aïcha. أَيُّهَا النَّاسَ عَلَيْنَا أَنْ نَسْتَفِيدْ مِنْ قِصَّةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Ô chers frères et sœurs, nous devons profiter de l'histoire de Aïcha radiyallahu anha. كان أبواها على الإسلام. Ses deux parents étaient musulmans. فهذه نعمة عظيمة. Ceci est un grand bienfait. وكثير من الأبناء الذين هم في هذه الحال لا يشكرون الله على هذه النعمة ولا ينتفعون بها. Beaucoup d'enfants qui sont dans cette situation, qui ont deux parents musulmans, ne remercient pas suffisamment Allah tabaraka wa ta'ala pour ce grand bienfait et ne profitent pas correctement de ce grand bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a accordé. Ils ont des parents qui les appellent à l'islam, des parents qui les appellent à la sunna, des parents qui les appellent à l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme le faisait Abu Bakr as-Siddiq avec Aïcha radiyallahu anha. Quel grand bienfait. Ayyuhan nas, كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أبا بكر كل يوم. Ô gens, le prophète صلى الله عليه وسلم visitait Abu Bakr tous les jours. يا لها من صحبة. Quelle bonne compagnie. علينا أيها الآباء أن نري أولادنا أننا نصاحب الأخيار ونعلمهم ذلك. Ô chers parents, nous devons montrer à nos enfants que nous fréquentons les meilleures personnes et nous devons leur montrer l'importance de faire attention à leur fréquentation. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, El mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. L'individu est sur la pratique religieuse de celui qu'il aime, de son bien-aimé, alors que chacun d'entre vous fasse attention à qui il prend comme bien-aimé. Kana abuha Abu Bakrin عابدا كثير القراءة والصلاة والبكاء. Le père de Aïcha radhiyallahu anha, Abu Bakr, c'était un adorateur. Il récitait beaucoup le Coran, il priait beaucoup, il pleurait beaucoup. Ya laha min tarbiya, quelle bonne éducation il a donné à sa fille Aïcha radhiyallahu anha. Kharajat hadhihi al-bint min hadha al-bayt wa min hadhihi al-usra. Et donc, cette femme, Aïcha, elle est sortie de cette maison, elle est sortie, elle a quitté cette famille avec cette éducation. Quelle bonne éducation! Méditons, aux chers frères et sœurs, sur cela. Nous qui sommes parents, nous devons assumer notre responsabilité en tant que parents. فهذه المرأة أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحبة لها أسباب ولا شك أن لحسن تربيتها أثرا في ذلك. Et donc, cette femme, elle est celle que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم aimait le plus. Et certes, l'amour a des causes. L'amour vient avec des causes. Et il n'y a nul doute que l'éducation que cette femme a reçue est une grande cause dans le fait qu'elle soit celle que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, aimait le plus. كان أبوها شجاعا لا يخفي إسلامه في وقت قل فيه المسلمون. Son père, Abu Bakr, radiallahu anhu, ne cachait pas son islam. C'était un homme qui était courageux. Il ne cachait pas son islam à la Mecque, à une période où le nombre de musulmans était très, très, très, très faible. Il y avait peu de musulmans au début de l'islam. Abu Bakr ne cachait pas son islam, comme vous l'avez entendu, mais il priait ouvertement devant les polythéistes. فَكَانَ يُصَلِّ بِفِنَاءِ بَيْتِهِ وَيَصْبِرُ عَلَى تَحْدِيدِ الْمُشْرِكِينَ. Il priait à l'entrée de sa maison et patientait, endurait face aux menaces des polythéistes. Car dans d'autres narrations, il est rapporté que les polythéistes l'ont menacé de mort s'il continuait. Et il a continué. Abu Bakrin, radiyallahu anhu, al-yawm, ba'dul ebe, yaktumuna islamahum, wa yu'allimuna dhalika li abna'ihim. Aujourd'hui, il y a certains parents qui vont cacher leur islam et enseigner cela à leurs enfants. Yaktumu islamahu idha kharaja min al-bayt. Il cache son islam s'il sort de sa demeure. Kayfa turidun an yakuna awladukum salihin ahlu shaja'atin. Comment voulez-vous que vos enfants soient pieux et qu'ils soient des gens courageux? Yuqaddimuna ta'at Allah tabaraka wa ta'ala ala ta'at al-makhluq. Comment voulez-vous que vos enfants fassent prévaloir le fait d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala au fait d'obéir à la créature? Ayyuhannas, صارت عائشة عائشة لأمور من أعظمها تربية أبيها. Oh Jean, Aïcha est devenue Aïcha pour certaines raisons. Et parmi les plus grandes raisons de cela, l'éducation de son père. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات لا يمكن أن نتحدث عن عائشة رضي الله عنها دون التفكر في تربية أبيها لها. Oh chers frères et sœurs, il ne nous est pas possible de parler des mérites de عائشة رضي الله عنها sans aborder, sans réfléchir sur l'éducation que son père lui a donnée. Kana da'iyatan ila al-islam. Son père était un homme qui prêchait à l'islam. Fa aktharu al-ashri al-mubashirin bil jannati aslamu ala yaday Abi Bakr as-Siddiq. La grande majorité des 10 promis au paradis se sont convertis par la cause de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. كان كثير الصدقة يعلم أهله الإنفاق في سبيل الله والتوكل على الله تبارك وتعالى. C'est un homme qui donnait beaucoup d'aumônes et qui enseignait à sa famille le fait de placer leur confiance en Allah تبارك وتعالى. أخرج أبو داود في سنانه. أبو داود a cité dans son Sunan أن عمر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق. Abu Daoud a cité dans son Sunan que Omar radiallahu anhu a dit: un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de donner l'aumône. فوافق ذلك مالا عندي. Et donc cela est tombé à un moment où j'avais de l'argent. فقلت اليوم أسبق أبا بكر. Omar qui dit: aujourd'hui je vais devancer Abu Bakr. Pourquoi? Parce que c'est connu que Abu Bakr il est devant. C'est connu que Abu Bakr il concurrence dans le bien. Et donc il s'est dit: aujourd'hui j'ai de l'argent. Aujourd'hui je vais précéder Abu Bakr radiallahu anhu. Fajitu bi nisfi mali. Alors je suis venu avec la moitié de mes biens, avec la moitié de mon argent. Fakala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: ma abqayta li ahlik. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: qu'as-tu laissé pour ta famille? Fakultu taraktu lahum mislahu. Alors je lui ai dit: je leur ai laissé la même quantité. La même quantité que j'ai ramenée, je leur ai laissé la même. Faja'a Abu Bakrin bimalihi kulli. Alors Abu Bakr est venu avec tout son argent. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَاذَا تَرَكْتَ لِأَهْلِكَ. Le messager d'Allah صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ lui a dit: qu'as-tu laissé pour ta famille? قَالَ تَرَكْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Il a dit, je leur ai laissé Allah et son messager. فَكُلْتُ وَاللَّهِ لَا أُسَابِقُ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ. Omar, il a dit, après ce jour-là, je ne vais pas concurrencer Abu Bakr. C'était un homme qui concurrençait dans le bien, qui donnait, qui enseignait à sa famille l'endurance, la patience. Comment la famille patiente lorsque le père dépense autant d'argent, fi sabilillah ? Quelle éducation a eu Aïcha ? Radiallahu anha, Aïcha est devenue Aïcha, parce que Abu Bakr, radiallahu anha, l'a éduqué, lui a donné la meilleure éducation que possible. Et donc il est important, chers frères et sœurs, que nous tirions des leçons de tout cela. Que pensez-vous d'une femme qui soit sortie de cette maison, de cette demeure, de cette éducation? Imanun, wa tawakkulun, wa shaja'atun, wa salatun, wa sadaqatun, wa da'watun, wa musabaqatun fil khayrat. Une maison dans laquelle il y a de la foi. Le fait de placer la confiance en Allah, la prière, les aumônes, le fait de prêcher, le fait de se concurrencer dans le bien, et autre que cela encore. Et là, nous ridons, مثل هذا لأولادنا. Ne voulons-nous pas cela pour nos enfants aussi? فعلينا أيها الناس أن نتبع هؤلاء القوم. Alors nous devons suivre ces gens, nous efforcer de ressembler à eux. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أسرنا في نسائنا وأولادنا. Nous demandons à Allah تبارك وتعالى de nous accorder la bénédiction dans nos familles, dans nos épouses et nos enfants, de nous donner la bénédiction dans l'apprentissage de la religion et l'application de celle-ci. Il est capable de toutes choses. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقيم الصلاة.